ramène un flash de Polyakov qu'on se bourre la gueule. Cul sec, viens oublier tes problèmes avec moi. Flirte avec le coma. Tu toucheras le nirvana juste avant le lavage d'estomac. Je dois dégueuler mes problèmes d'homme. Mais le bruit court que quand on ne souffre plus, on est mort. T'as pris plus de cash ici que n'importe qui. Ouah, les gens te coussent, ça paye l'illicite, hein. Mais ça nous fait mal quand nos tarots refusent nos billets tachés de sang. C'est pour ça qu'on a grave du mal à sourire. Ma génération cherche le mot bonheur sur les billets. Elle a eu l'école pour apprendre, mais elle a eu la drogue pour oublier. Les parrains vivent en cavale, loin de leurs femmes dans des cabanes. T'es sûr que ça vaut le coup que tu te prennes une balle? Putain merde, que les frères en chaise roulante me pardonnent d'avoir la flemme de marcher 300 putains de mètres. Le plaisir n'est qu'un appareil jetable. Reste vivant, les coups durs ont du charme. Bien sûr que commander c'est mieux que baiser, mais le pouvoir il te pète toujours entre les doigts. Quand t'auras un Porsche, tu voudras une Maybach. Et quand t'auras une Maybach, tu voudras un yacht. Et une fois que t'auras connu tous les plaisirs du globe, tu te suicideras, hein? Ton jean Gucci finira en torchon. Ton VR6 a été recyclé en façade de chiottes publiques. Ton S3 est rata. Mais attends, celui de mon cousin, son intérieur cuir, il bouffe celui que t'as. On achète des pavillons pour y canner de vieillesse. Et on finit tous entre quatre planches de bois. Ce n'est pas tes proches, hey. Y'aura jamais assez de place, même pour une smart, dans un cercueil. Où tu cherches le bonheur, où tu l'as vu? Dans Saga, dans les narines de Van Damme. La réputation ne vaut pas la respiration. Si tu m'enlèves mes problèmes, je perds mon charme. Remonte les vitres de la Benz, coupe la clim. Le kiff s'échappe à la François Besse. La fin de route ne sera pas due à un boycott radiophonique, mais à une rigidité cadavérique. Qu'est-ce que tu cherches? Où tu le cherches? Chez qui tu le cherches? Sous quel capot tu le cherches? Numéro 1, tu pèseras moins que t'auras de fouille. Numéro 2, aucun gamos ne guélare la rouille. Une fausse Samsung qui est censée tout faire. S'il ressuscite pas mon pote, je porte plainte. L'humain et les biens matériels que tu souhaites posséder ont des limites qui cachent un pouvoir de destruction immense. C'est là où les pouvoirs des êtres et des choses s'arrêtent. Que ceux...